La Malle de Sinbad sur Radio Culture Dijon. Une émission préparée et présentée par Sébastien et Manon à la technique. Informations, bibliographie et podcast sur le site internet de Radio Culture. Les récifs de l'histoire, le patron de la brûlerie Delicatesse à Bucarest, le café Giu Gheorghe Florescu, a retracé une biographie du café sous le signe de la croix. Parti de l'Éthiopie, d'un berger aux chèvres facétieuses, il a amené le liquide cuivreux aux alcôves de Saint-Pierre. Les Arméniens auraient introduit le précieux kahwa dans le sérail. Avedis Karabélian n'a-t-il pas été préposé au kahwa pour le sultan en personne ? La început otomanii fierbeau cafeaua ca să nu germineze, ca să nu cumva sâmburii să poată să cultive, să dețină monopolul asupra cafelei. Mulți ani au deținut monopolul pentru că boabele n-au putut germina deoarece erau fierte înainte. Au début, les Ottomans faisaient bouillir le café pour qu'il ne germe pas. Oui. Parce qu'ils voulaient avoir le monopole dessus et si quand il était bouilli, il ne pouvait plus germer. Évidemment, donc il n'y avait pas de risque. Il n'y avait pas de risque de fuite. Soliman Magnifico avea oameni învățați, agronomi, probabil specialiști în agricultură, eu știu cum să zic. Și a luat cafeaua din Etiopia și a cultivat-o pe versanții din Yemen. Suleiman Magnific, qui avait des spécialistes à la cour des agronomes de l'époque, il a pris le café d'Éthiopie et l'a planté. Il l'a transplanté au Yémen. Pe vremea aceea, Yemenul se numea arab. De aceea, cafeaua aceea se numește cafea arabică. De la Yemen, de la statul, de la zona arabică. De zona arabică, de aceea Yemen. Donc, à cette époque-là, le Yémen s'appelait arabe. Et c'est pourquoi ce café, aujourd'hui encore, porte le nom arabica. În momentul în care cafeaua a pătruns în Europa la consum direct, a adus la o explozie a gândirii europene. Cei mai mari gânditori europeni erau consumatori de cafea. Avem aici mulți francezi renumiți, Voltaire, Balzac. Balzac, bien sûr. Și très grand consumator de café. Robespierre, Napoleon Bonaparte. Napoléon Bonaparte avea 7 ibrice pe foc în permanență. Deci, în momentul în care a ajuns... le café s'est répandu en Europe, il a mené une vogue extrêmement importante auprès des intellectuels. Il a produit une vogue et puis aussi une explosion de l'intelligence et des réalisations, d'énormes réalisations. Il a accompagné les Lumières, ça c'est indéniable. Donc il a accompagné les Lumières et il a aussi donc accéléré le grand café à Paris, la Régence par exemple, intellectuelle. Par exemple, Voltaire, Balzac, Napoléon, tous ces gens-là. Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau, ils ont consommé du café. Beaucoup de philosophes ils ont consommé du café. Et par exemple, promoteur de la grande révolution française de 1789. Et un mare consumator. Practic, revoluția a fost pregătită în cafenele. Et puis la révolution a été préparée dans les cafés. La o cafea. La o cafea. Așa. Et puis Napoléon, il avait sept ibrica. Cea mai mare victorie a lui Napoleon Bonaparte, care era de origine italiană, dar el rămâne în istoria Franței ca unul dintre cei mai mari francezi. La Austerlitz, el a reportat o victorie strălucită, deoarece toată noaptea n-a dormit și a gândit ce trebuie să facă. Și bând cafea, a vizitat întregul câmp de luptă. Iar împărații, cei trei împărați, austro-ungar, german și rus, au stat și au băut, au mâncat, au chefuit, au petrecut. Și iau la prima oră dimineață, el câștigase bătăria, lupta. La bataille d'Austerlitz. Napoléon a bu énormément de café et pendant la nuit, il a visité le champ de bataille et il s'est préparé sa stratégie. Sept ibriques avaient permanence sur le feu. Il avait tout le temps les sept ibriques sur le feu, donc il a préparé sa stratégie pour le lendemain, alors que les empereurs austro-hongrois, allemands et russes étaient en train de faire la fête et ils ne se sont pas bien préparés et c'est lui qui a remporté la victoire le lendemain. Dictatori non beau café. Les dictateurs ne boivent pas du café. Lénine n'a beau café, Staline n'a beau café, Hitler n'a beau café, Mao Zedong n'a beau café, Ceaușescu n'a beau café. Donc les grands dictateurs n'ont pas bu du café, Lénine n'a pas bu du café, Staline n'a pas bu du café, Ceaușescu n'a pas bu du café, Mao Zedong n'a pas bu du café, et il y a un qui manque, Hitler n'a pas bu du café. Deci, sigur că datorită acestui început de către un armean, toți armenii au îmbrățișat această meserie. Et parce que... Mulți armeni. Mulți, nu chiar toți, mulți. Et parce que un Arménien était à l'origine de l'histoire du café en Europe, énormément d'Arméniens ont appris ce métier. L'État ottoman trempe ses mains dans le sang de centaines de milliers d'Arméniens. Après ce massacre orchestré à grande échelle, les survivants quittent le territoire et une partie d'entre eux s'établit dans les pays frontaliers, en Roumanie notamment. Donc, tous les préparatoires de la cour ottomane, de tous les sultans, étaient arméniens. Ils avaient aussi d'autres métiers, mais les cafetiers étaient arméniens. C'est un mode greșit de dire cafea turc. E adevărat, pentru că este vorba de Imperiul Turcesc. Imperiul Otoman, Imperiul Turc. E adevărat, dar ei erau armeni. Nu s-a născut încă turcul care să facă o cafea mai bună decât un armean. Cred că am înțeles. Comme il y avait énormément d'arméniens qui avaient ce métier de torréfacteur, ils ont donc travailler pour les sultans, et ça s'appelle, on dit toujours, le café, il est turc, mais il n'était pas turc, c'était l'Empire ottoman, mais en fait, c'était les Arméniens qui le préparaient dans l'Empire ottoman. Un mare împărat de azi, Vladimir Vladimirovich Putin, bea în fiecare zi o ceașcă de cafea neagră turc, cafea la ibric. Alors un grand préparateur armien. Alors un grand empereur d'aujourd'hui, Poutine, Il consomme tous les matins. Tsar rouge. Le tsar rouge. Il primo tsar rouge à Stalin. Il consomme tous les matins du café. Et ce café, il est toujours préparé par un Arménien. Arménie a intrat în conflict ca urmare a celor două război mondiale, dar în primul război mondial a avut urmări groaznice asupra relațiilor dintre conducerea Imperiului și popoarele care trăiau în Imperiu. Și în primul rând de creștini, greci, armeni și turcii care conduceau Imperiul. Și așa a avut loc marele genocid armean, declanșat pe 24 aprilie 1915. Alors, dans l'Empire ottoman, il y avait énormément de conflits entre les Turcs et puis les minorités de cet empire, et aussi avec les Grecs, mais aussi avec les Arméniens. Et donc... À un moment a eu lieu ce génocide. Au fost assassinat peste 2 milioane de armeni. 1915. Et à cette époque-là. De către autorități statale. De către stat. Conducerea statului. L'État turc a tué plus de 2 millions d'Arméniens. Primul ministru, ministrul de război și ministrul de interne. Cei trei criminali în contra poporului armean. Le regime, comment il s'appelle? Jeunilor turci. Des jeunes turcs. Les jeunes turcs. Le regime des jeunes turcs. Deci a zis primul ministru. Primul ministru, ministrul de război și ministrul de interne. Ei au condus represalii și au murit la ordine lor, armata. Le ministre de la guerre et le ministre des affaires intérieures. Les trois étaient à l'origine de ce génocide. Génocide armène. 2 millions. Iar mulți armeni, milioane de armeni au fost obligați să părăsească Imperiul Otoman. Et donc plus de 2 millions d'Arméniens étaient morts et beaucoup d'autres ont été forcés de quitter leur pays. De quitter leur pays. Noi fiind o țară creștină și chiar ortodoxă, ca și armenii, am primit pe toți refugiații armeni în România. Et c'est à ce moment-là que la Roumanie, qui était un pays chrétien orthodoxe comme les Arméniens, ont accueilli beaucoup d'Arméniens. Și am sprijinit ca să se stabilească în România. Et donc nous les avons soutenus pour qu'ils puissent s'installer en Roumanie. În așa fel că pe întregul teritoriu al României s-au dezvoltat magazine de preparare a cafeei de către armeni. Et donc à ce moment-là, beaucoup de magasins de café ont aussi fait leur apparition sur le territoire roumain, parce que beaucoup d'Arméniens avaient ce métier-là de torréfacteur. Prin anii 20, Bucureștiul avea peste 100 de preparatori de cafea armeni. Răspândiți în întregul municipiu. Donc, pendant les années 20, à Bucarest, il y avait plus de 100 torréfacteurs arméniens. Ce qui est impressionnant. Uniquement à Bucarest. Juste. Plus de 100. Ei nu se concurau între ei, nu se certau. Ei erau ca și frații. Sans grande concurrence. Nu există concurență. Fiecare avea o clientela lui, fiecare se duia să-și facă treaba, să-i meseria lui corect. Donc, il n'y avait pas de concurrence. Comercianți serioși, comercianți cinstiți și pricepuți. Ils se connaissaient tous, mais il n'y avait pas de concurrence entre eux. Ils essayaient de faire leur travail et chacun avait ses clients à lui. fofo. Pe mine ce m-a mâncat, m-a veștejit, m-a uscat. Șapte fete dintr-un sat și-o nevastă cu bărbat. Dar nevasta dracului m-a spuse bărbatului, mi-a dus belea capului, m-a dat de râs satului. Că toate s-au măritat, au plecat după bărbat și inima mi-au secat. De nu credeți ce vorbesc și vă pare că glumesc, toate să vi le numesc, să nu gândiți că bârfesc. Credeți ce vorbesc și vă pare că glumesc, toate să vi le numesc, să nu gândiți că bârfesc. Armene din România. La Deuxième Guerre mondiale a provoqué une diminution de la population arménienne en Roumanie. Prin instaurarea regimului comunist în România, armenii n-au mai putut să lucreze, să-și facă meseria, să-și facă arta lor a prepare cafere și au emigrat în America sau în Occident. Enormément d'Arméniens. Dar în general în America. Après la donc le après la la le régime l'instauration du régime communiste en Roumanie, beaucoup donc les Arméniens n'avaient plus le droit d'exercer leur métier en Roumanie. Donc à partir de 1945. À partir de 1945, donc beaucoup ont émigré en Europe occidentale, mais encore beaucoup plus aux États-Unis. Descendenții, majoritatea descendenților acestor oameni nu a mai îmbrățișat această meserie. Et les descendants de ces Arméniens qui sont partis aux États-Unis ou en Europe occidentale n'ont plus exercé ce métier-là. Atât în România, cât și mai ales în statele unde au emigrat. Ni în România, ni în Statele Unite. În aceste condiții, eu ca român am luat contact cu lumea armeană, s-a întâmplat să cunosc pe Avedis Carabelean, un descendent al primului cafegiu al lumii, care era furnizor al casei regale a României, și astfel, la vârsta de 20 de ani, am început să fac afaceri cu el. Monsieur Florescu, il a pris contact avec un descendant du premier marchand de café torréfacteur arménien qui s'appelait aussi Karabelayan. Donc il a pris contact avec lui et il a commencé à apprendre ce métier. Trei ani am fost ucenicul acestui armean, trei ani. Și în ce an? 1971. 1973, când domnul Avedis Carabelean a emigrat în America, la New York. Da. A plecat definitiv și pentru că a plecat definitiv, mi-a încredințat mie o serie întreagă de rețete de prepararea cafelei la cel mai înalt nivel. Alors, Monsieur Florescu était l'apprenti de Carabelean de 1971 jusqu'en 1973, et en 1973, Karabelayan a quitté le pays pour émigrer aux États-Unis, mais pendant les trois ans, Monsieur Florescu a pris le métier avec énormément de recettes, voilà. La torréfaction, la préparation des mélanges. Oui. Am lucrat ca preparator de cafea angajat al statului. Deci în România nu exista comerț particular. În România era comerț stat. Alors, de stat. Oui, c'était évidemment un commerce d'État. En Roumanie, il n'y avait pas de commerce particulier privé. Dar m-au lăsat să-mi fac meseria pentru că aveau nevoie de mine. Mais les autorités ont laissé M. Florescu exercer son métier parce qu'ils avaient besoin de lui. Et il a travaillé, donc même pendant l'époque communiste, comme préparateur. Régime communiste, avant de ce en ce mai multe greutăți financiare, și-a dat seama că factura de cafea este foarte ridicată. Și atunci s-a gândit să înlocuiască cafeaua cu alte produse. Donc pendant l'époque communiste, le régime avait de plus en plus de problèmes financiers et il s'est rendu compte que la facture pour le café était très élevée. Donc ils ont décidé à un moment donné de remplacer le vrai café par d'autres produits moins chers. Oui. În aceste condiții, meseria a dispărut. Dans ces conditions-là, ce métier était en train de disparaître parce qu'il n'y avait plus de café ni de au conectat toate mașinile, toate utilajele de preparare a cafelei și l-au topit. Topit? L-au desfințat. L-au dezmembrat. Alors, adică l-au fier vechi. Da. Alors, l-au topit la topitorie. Alors, métal. Tout l'équipement a été réquisitionné. Métallurgie. Dans tous les... Sidérurgie. Dans tous les magasins de préparation de café. Et ils ont tout fondu avec le... Avec du vulgaire fer, hein, tout simplement. Avec du vulgaire fer. Du vulgaire fer. Comme oui. les... În această, în această perioadă grea, eu am fost păstrat de către conducerea Ministerului Comerțului Interior de vremea aceea pentru a prepara pentru elite, pentru conducătorii țării, cafea naturală. Donc, pendant cette époque-là, qui était donc très difficile pour La torréfaction. Pour la torréfaction en général et aussi pour les consommateurs qui n'avaient plus rien acheté. Et l'Italie? Et donc, les fonctionnaires de l'État ont gardé M. Florescu pour préparer le café pour les élites. Quelques happy few qui, eux, avaient encore le droit. Élites les communistes. Les élites communistes qui avaient... Armata, Securitate. Donc, l'armée et la... Les services de renseignement. Partito communiste. Et les fonctionnaires du Parti communiste. Ah. En 1985, ca urmare a presiunii din partea publicului că eu trebuia să prăjesc cafea și să-mi mirosea, am renunțat și eu și eu personal am demontat mașina și am aruncat-o. Așa? Am aruncat-o, ca să nu mai existe nicio discuție, am aruncat-o la topit. La fiel vechi. În 1985, aprilie 85, Monsieur Florescu, qui était quand même exposé à une pression parce que il était obligé de torréfier son café qui sentait, et l'arôme, elle était, donc on la sentait, et les gens ne pouvaient pas ignorer qu'il y avait du café. Donc il a renoncé tout simplement parce qu'il ne voulait plus avoir ces conflits avec tous les gens qui sentaient le café mais qui n'avaient pas le droit d'accéder à ce café, et lui-même il a détruit sa machine, il a envoyé à la casse pour la fondre. Pe 14 noiembrie 2008 am lansat cartea mea Confesiunea unui cafegiu. O carte de amintiri memorialistică. În care am scris întreaga poveste a cafelei de România. Le 14 novembre 2008, M. Florescu a lancé son livre, il a écrit un livre et donc il a lancé le 14 novembre 2008. Confession donc les confessions d'un café Giu. D'un café Giu. Qui donc où il raconte cette histoire du café en Roumanie. S-au vândut în jur de 80.000 de volume în două ediții. O ediție din 2008 și o ediție din 2014. Cu acești bani am reușit în 2010 să dau drumul la cel mai grozav magazin din lume. Și vă explic. Stați un pic. Alors, donc gros succès d'édition. Gros succès d'édition. Il y a eu même deux éditions et Monsieur Florescu, donc plus de 80 000 exemplaires de ce livre ont été vendus, et avec l'argent gagné, récolté grâce à cette vente du livre, il a réussi en 2010. D'ouvrir le meilleur magasin de café du monde. Ei, nu mă taie, ci mă rupe, mă mor.